je pars. Il y a de l'eau dans ton regard, mais les pleurs que tu pleures sont inutiles, car tous les départs resserrent les cœurs qui se séparent. Je serai Je m'éloigne.